franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, nous vous invitons effectivement à prendre la mer et à plonger avec le commandant Cousteau et son équipe de la Calypso à la rencontre d'un univers fantastique, celui du monde du silence. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, peut-être. Mais l'aventure Cousteau, c'est celle d'un homme. Commandant du même nom, au visage célèbre, bonnet rouge et lunettes, plébiscité dans le monde entier. Derrière lui, ils sont une cinquantaine à avoir pris part pendant un demi-siècle aux expéditions scientifiques et aux recherches océanographiques. Un voyage aux quatre coins du monde, au fond des océans et au sommet de la gloire. Cette odyssée sous-marine sans égale, véritable invitation à la redécouverte de notre planète, nous a laissé un legs assez somptueux. Des inventions techniques révolutionnaires, des découvertes biologiques par dizaines, mais également plus d'une centaine de films documentaires retraçant l'aventure de ces explorateurs marins, dont l'un obtiendra la Palme d'Or à Cannes et un Oscar à Hollywood, s'il vous plaît. Enfin, et c'est là le plus important, ces expéditions nous ont fait prendre conscience que nos actes peuvent perturber la planète et qu'il faut tout faire pour la protéger. Aujourd'hui, 18 ans après la disparition du commandant, il existe toujours une magie Cousteau, tout autant qu'il existe un mystère autour de ses aventures. Après le récit, nous tenterons de décrypter les dessous de cette épopée humaine, scientifique et cinématographique avec notre invité Yves Pacquelet. Écrivain, journaliste, il est un témoin d'exception, puisqu'il a participé pendant presque 20 ans aux expéditions de la Calypso à travers le monde. Une expérience qui lui a permis d'écrire une vingtaine d'ouvrages consacrés à la nature, mais aussi au rapport qu'entretient l'homme avec son environnement. Yves Pacquelet est également l'auteur d'une biographie intitulée « Jacques-Yves Cousteau dans l'océan de la vie » paru en 1997 chez Jean-Claude Lattès. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois. Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter. La Rochelle, fin du mois de mai 2004. Ici, comme chaque jour, face à l'océan Atlantique, dans la zone industrielle du 6e port de l'Hexagone, on s'active pour recevoir les marchandises et les hydrocarbures provenant d'imposants navires venus du monde entier. Scène habituelle. À ceci près qu'un peu plus loin, à l'écart de toute cette agitation dans la rade réservée aux chantiers de réparation navale, on distingue un étonnant navire d'une quarantaine de mètres, recouvert d'une bâche sur toute sa partie arrière. Sa coque, quant à elle, laisse entrevoir la rouille qui recouvre la robe blanche qui fut la sienne jadis. Sur le pont en pleine décomposition, le spectacle est pittoresque. Les vitres de la cabine sont brisées et des morceaux de tôle traînent sur un sol jonché de débris en tout genre. Vu du quai, il donne l'étrange impression d'être à l'abandon et de se fondre dans le décor pour mieux disparaître, à la manière d'une amphore échouée au milieu des profondeurs. À quelques mètres de là, sur l'appontement, des badauds passent et s'arrêtent pour le prendre en photo. Parmi eux, un vieil homme, le visage marqué par les années, observe lui aussi avec beaucoup d'attention la vénérable embarcation. Les yeux rivés sur la coque, il recherche les traces d'un passé désormais révolu. Intrigué par son comportement, une équipe de France 3 l'interroge. Et l'homme leur répond avec une certaine émotion. C'est bien triste. Toute la vieille équipe a toujours pensé que c'était pas possible que ce bateau soit abandonné. Il a fait rêver le monde entier. Moi j'ai vu des Américains, des Canadiens venir l'embrasser sur le quai. Cet homme que vous venez d'entendre, c'est Albert Falco, celui qui fut pendant plus de 40 ans tour à tour chef des plongeurs puis capitaine de ce navire. Il raconte « À son bord, nous avons sillonné toutes les mers du globe. Nous y avons entrepris les plus grandes recherches scientifiques sous-marines de tout le XXe siècle. Nous avons même tourné un documentaire qui a reçu la Palme d'Or à Cannes et un Oscar à Hollywood. » Albert Falco sort ensuite de sa poche, de son blouson, une série de photos en couleur. Toutes ont été prises à bord de ce navire. Sur certaines, on y voit des marins revêtir des combinaisons de plongée grises au design futuriste, sous l'œil des caméras. Sur d'autres, ce sont des dauphins que l'on voit sauter hors de l'eau à quelques mètres seulement de la proue du bateau. Et sur la dernière photo, on découvre un personnage au bonnet rouge posant fièrement à côté d'une étrange soucoupe sous-marine. Le visage de cet homme souriant ne laisse pas planer le doute. Il s'agit du commandant Cousteau. Alors, ce bateau abandonné, c'est la Calypso, la légendaire Calypso, le navire de Cousteau. À 500 km au sud, dans la région Midi-Pyrénées, un autre homme âgé nous invite chez lui dans ses maisons de campagne. Son nom, André Laban. Sa profession, peintre sous-marin. Oui, peintre sous-marin. Cet ancien ingénieur chimiste a rejoint l'équipe Cousteau à ses débuts et il a participé pendant près de 20 ans aux campagnes d'exploration de la Calypso aux quatre coins du globe. Alors, quand nous lui parlons de notre rencontre avec Albert Falco dans le port de La Rochelle, l'homme nous confirme sans détour que l'épave que nous avons vue est bien celle de la vénérable Calypso. Visiblement ému, il explique qu'il est encore marqué après toutes ces années par son expérience à bord et en particulier par la personnalité et l'aura du commandant. Jacques-Yves Cousteau, un individu hors norme, à mi-chemin entre un gourou et un chef de bord qui fascinait son équipage au point de le rendre totalement dépendant de lui. On s'en sort difficilement, même c'est impossible. En plus, je trouve que Cousteau a bien fait de me licencier parce que, après coup, j'ai réalisé que maintenant, je ne suis plus le bras droit de Cousteau, mais je suis moi-même. Redevenir soi-même. Comme Falco et Laban, ce sont près d'une quarantaine de marins, de journalistes, de scientifiques, de plongeurs, d'opérateurs techniques qui restent emplis de nostalgie, eux, qui ont participé pendant presque un demi-siècle à l'une des plus fantastiques aventures de recherche scientifique jamais entreprise par l'homme. Un projet qui visait à faire découvrir à tous les citoyens du monde la vie sous la mer, pour mieux la protéger. Un univers qu'ils ont eux-mêmes baptisé le monde du silence. Alors, qui était Jacques-Yves Cousteau, commandant du même nom? Comment se sont organisées les campagnes d'exploration à bord de la Calypso? Pourquoi ont-elles tant marqué et fasciné le monde entier? Et quelles ont été leurs portes d'entrée pour la recherche et leurs portées pour cette même recherche et pour la protection de l'environnement? 23 juillet 1930, nous sommes à bord du navire école de la Marine nationale, la Jeanne d'Arc, au large de Brest. C'est ici que débute l'aventure d'un jeune homme de 20 ans inscrit à l'école navale et qui répond au nom de Jacques-Yves Cousteau. Fils d'un avocat d'affaires, il a déjà beaucoup voyagé et vécu plusieurs années avec sa famille aux États-Unis où il pratiquait l'apnée et la natation. Passionné durant toute sa jeunesse par l'image et le cinéma, il choisit, par raison, disons plus que par passion, de s'engager dans une carrière militaire. Jacques-Yves Cousteau nourrit un rêve discret mais certain, celui de devenir un jour pilote de chasse dans l'aéronavale. Après plusieurs années d'apprentissage, on l'envoie sur un croiseur de guerre en Extrême-Orient pour terminer sa formation. Pour ses instructeurs, il est un élève modèle. Pour ses camarades, il est un meneur. Intransigeant avec les règles, tout comme avec l'autorité, Cousteau révèle également une incroyable capacité d'ascendance et d'attraction sur les autres. Un don discret qui lui permet de se faire obéir et de se faire respecter. Pourtant, le parcours sans faute du jeune homme dans la marine est brutalement interrompu en 1935 par un accident de voiture qui lui impose une convalescence forcée, mais qui, selon son père, Daniel, va bousculer sa destinée. Cet événement, à mes yeux, contribue à ce métier de plongeur qui l'a rendu célèbre. Car, lorsqu'il a été rétabli, la marine, le jugeant incapable de service actif, tant qu'il ne serait pas en parfaite santé, l'envoya à Toulon comme instructeur des futurs officiers de réserve de la marine. C'est là qu'il a fait la connaissance de Thaïès. C'est là que Thaïès l'a mis en rapport avec Frédéric Dumas et c'est à cela qu'il doit d'avoir fait pendant les années qui ont séparé 1937 de la guerre, toutes les premières plongées sous-marines qui lui ont donné le goût du métier qu'il fait actuellement. Philippe Thaïès, Frédéric Dumas et Jacques-Yves Cousteau, ceux que l'on surnomme les trois mousquetaires et qui pour une fois sont vraiment trois, forment un trio passionné de chasse sous-marine et d'exploration. Ils rêvent d'aventures nouvelles, non pas sur Terre, mais au fond des mers. Un rêve qui va leur permettre d'échapper en partie à la folie humaine qui prépare son apocalypse. Octobre 1942, le monde vit au rythme de la Seconde Guerre mondiale. Dans une Europe morcelée, au cœur d'une France divisée, Jacques-Yves Cousteau rejoint la zone libre avec sa femme Simone et leurs deux enfants. Placé en congé d'armistice après avoir servi sur le front italien, le jeune homme âgé de 32 ans fait la rencontre d'un ingénieur d'Air Liquide, un dénommé Émile Gagnon, qui travaille sur les équipements de plongée. À cette époque, le scaphandre existe déjà, mais il est rudimentaire et il nécessite surtout d'être en permanence relié à la surface. À force d'expérimentation, les deux hommes le transforment en une structure autonome en lui ajoutant un détenteur à la demande. Et ça, c'est une véritable révolution pour la plongée sous-marine. Immédiatement, Cousteau s'engouffre dans la brèche et met à profit cette découverte pour filmer les calanques près de Marseille à l'aide de prototypes de caméras sous-marines qu'il a lui-même fabriquées. Le résultat de ses premiers essais est projeté à Paris en 1943. Intitulé par 18 mètres de fond, ce documentaire d'une quinzaine de minutes est le tout premier film réalisé par Cousteau grâce à l'aide de Thaïs et Dumas, ses fidèles comparses. L'essai transformé, Cousteau réalise dans la foulée plusieurs petits films car il comprend vite l'impact du cinéma pour légitimer la recherche sous-marine. Ces films m'ont été très utiles au début afin de faire prendre nos recherches au sérieux. Mais il est bien certain que ce sont les recherches elles-mêmes qui nous passionnent. Et en ce moment, nous entreprenons des recherches qui ont pour but de permettre à l'homme de plonger beaucoup plus profondément et impunément. Dans un autre domaine, nous avons déjà apporté une autonomie spéciale. Non seulement l'autonomie qui consiste à ne pas être relié à la surface par un tuyau, mais encore et surtout l'affranchissement de l'apesanteur. Au lieu de ramper sur le fond, les scaphandriers modernes se déplacent librement dans l'eau, horizontalement, comme des poissons. À la Libération en 1945, l'amiral Le Monnier charge Jacques-Yves Cousteau de mettre en place le groupement de recherche sous-marine, le GRS, à Toulon. Rattaché à la Marine nationale, cette petite unité doit remplir des missions militaires, de renseignement, de déminage, mais aussi, et c'est là où Cousteau y trouve son compte, explorer les fonds marins et mener des recherches technologiques. Quatre ans plus tard, en 1949, au large de Dakar, au Sénégal, Cousteau et ses hommes feront la démonstration éclatante de leur équipement et de leur savoir-faire en procédant au sauvetage du bathyscaphe du professeur Picard, alors à la dérive. À cette période, Cousteau et ses hommes opèrent à partir d'un bâtiment que la Marine nationale met à leur disposition, un navire de la classe Aviso. Lorsque Cousteau décide de quitter en 1950 ses fonctions militaires pour fonder les campagnes océanographiques françaises, il lui faut trouver un autre navire capable de remplir cette fonction de base, les observations itinérantes. Ce bâtiment, appelé par la suite à entrer dans la légende, c'est la Calypso. Un navire dont Cousteau présente les caractéristiques au grand public lors de l'émission Paris vous parle en novembre 1950. Qu'est-ce que la Calypso ? La Calypso, c'est un ancien dragueur de mines d'origine américaine que j'ai fait acheter par notre association les campagnes océanographiques françaises. Et ce bateau a été entièrement transformé. Depuis 18 mois, nous y travaillons. De façon à en faire un navire océanographique de taille relativement modérée. Il fait 43 mètres de long et 360 tonnes en pleine charge. Mais d'un nouveau modèle, c'est-à-dire où nous avons concentré dans cet espace le plus de moyens de recherche modernes possible. Cette croisière a un caractère d'abord tout à fait spécial. C'est une croisière française, sous pavillon français, mais qui va s'enrichir de la collaboration de chercheurs et de savants, aussi bien français qu'étrangers. Ce qui donnera, qui enrichira d'abord notre expédition et qui d'autre part donnera un caractère international à nos travaux. Parmi les grands savants qui vont se joindre aux campagnes d'exploration de la Calypso, il y a le vulcanologue Haroun Taziev. Scientifique reconnu, évidemment, il estime que les recherches sous-marines entreprises par le commandant Cousteau sont indispensables pour comprendre les chaînes volcaniques enfouies dans les océans, celles qui constituent la base de la tectonique des plaques. Rien de moins. Grâce à l'aide de nombreux mécènes, un an plus tard, en novembre 1951, Cousteau et son équipe embarquent à bord de la Calypso pour leur première expédition en Méditerranée. Le but de ce voyage, c'est de réaliser de grandes fouilles archéologiques et les filmer pour permettre au grand public de découvrir le monde qui se cache sous la mer. À bord de la Calypso, en plus des plongeurs comme Frédéric Dumas, Claude Vesely ou encore Albert Falco, on retrouve le jeune cinéaste Jacques Herteau. À la fois opérateur sous-marin, monteur et co-réalisateur, sa mission est de mettre en image les aventures de Cousteau et de sa bande, d'en faire un film qui puisse être présenté dans les salles de cinéma. On compte faire un grand film là-dessus. Mmh. L'aventure de la Calypso, c'est le nom de notre bateau. Mmh. On compte faire un grand film là-dessus, mais on ne connaît aucun aléa, aucun élément de l'histoire. Alors on va prendre Alien, qui est un personnage intéressant du bord, mmh. pour conserver le côté humain, pour donner une vie à ce film. Et on va le suivre avec ses différentes réactions, ses différents états d'âme, vous comprenez, dans les différentes escales, les différents endroits où il sera. Voilà le lien général. Et maintenant, alors, des éléments de reportage, évidemment. Alors ça, tout en quantité. En quantité, on traitera tous les reportages possibles, le tout en couleur 35 mm. Toujours en cherchant le côté humain de la question pour ne pas faire des documentaires un peu froids, comme on en a vu bien souvent, pour faire des films qui chauffent, qui soient intéressants. Faire des films intéressants, voilà l'un des principaux enjeux de cette expédition. En effet, le commandant Cousteau a très vite compris la force de l'image pour intéresser le grand public à son travail. En montrant les choses, on prouve qu'elles existent, raconte Jacques Herteau, qui ajoute « À la différence de beaucoup de savants enfermés dans leur laboratoire, Cousteau peut montrer à quoi sert l'argent qu'on lui donne et faire de ses mécènes les glorieux partenaires de ses films pionniers qui seront projetés par la suite dans les salles de cinéma du monde entier. » Cette première campagne de quelques semaines se poursuit pendant 3 mois en mer Rouge. Cousteau rapporte les images pour le documentaire intitulé « Carnet de plongée » dans lequel les plongeurs se déplacent libres dans l'océan pour l'inspecter tout en commentant les rencontres ou les découvertes qu'ils font. Présenté au Festival de Cannes, hors compétition, le film connaît un certain succès de la part de la critique. Pourtant, Cousteau explique à Herteau ne pas être satisfait du résultat. En passionné de cinéma qu'il est, le commandant a d'autres projets, dont celui de réaliser un film beaucoup plus long et beaucoup plus abouti, à mi-chemin entre le documentaire narratif et le film d'aventure. Un film en couleur qui ferait rêver le grand public par la beauté de ses images et par l'originalité de son histoire. Ce film, ce sera « Le monde du silence ». Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, d'un parterre de vedettes internationales, M. Maurice Lemaire, ministre de l'Industrie et du Commerce, a présidé à la clôture du 9e Festival de Cannes. la Palme d'Or a été décernée au Monde du Silence tourné par le commandant Cousteau dans les fonds sous-marins. Ainsi se termine, sur une gerbe de succès français, le Festival du film. Cannes, mai 1956, pour la première fois, un documentaire remporte la Palme d'Or et reçoit un accueil unanime de la part de la critique. Fort de ce premier succès, Le Monde du Silence sort en salle dans les mois qui suivent et rencontre un succès considérable. Dans un format nouveau, l'œuvre mélange habilement la science, l'exotisme, la nature, l'aventure, l'humanité, la camaraderie virile et la fantaisie aussi, un cocktail qui fascine immédiatement le public. Pendant une heure et demie, le spectateur est invité à bord de la Calypso pour suivre les aventures de Cousteau et de son équipe dans leur voyage de la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien à la découverte d'un monde étrange, encore inconnu, le monde du silence. Aux yeux de nombreux critiques, le film possède une modernité cinématographique. Bien. Mais faut-il y voir le talent caché de Jacques-Yves Cousteau ou les conseils précieux de Louis Malle, un cinéaste reconnu ? Interrogé sur France Inter, le co-réalisateur du film, Louis Malle, donne son explication. Eh bien, voilà, vous savez que sur la Calypso, comme le commandant Cousteau est tout de même, c'est un marin, c'est un savant, c'est un inventeur, c'est tout ce que vous voudrez, mais je crois, et ça il faut le dire très très net, c'est un cinéaste. Il a le sens du cinéma, et beaucoup de metteurs en scène que je connais pourraient lui envier son sens du cinéma. Ça c'est très vrai. Alors, il y a toujours à bord de la Calypso des caméras, des gens qui s'occupent de cinéma et qui ont l'œil du cinéma. Bon. Ce qui fait que, par exemple, nous avions fait une croisière qui était une croisière scientifique avec des savants. Et nous avons emmené des opérateurs, toute une équipe de cinéma. Et nous sommes allés faire ce film dans des endroits que nous connaissions et que nous avions déjà repérés, en quelque sorte. On avait fait avant ce qu'on appelle dans le cinéma un voyage de repérage. Et là, nous sommes tombés au bon moment sur les épisodes qui nous intéressaient, que nous avions prévus, et nous avons eu la chance de pouvoir les tourner et d'en trouver d'autres. Et c'est comme ça qu'on a fait Le Monde du Silence. Le Monde du Silence, sorti en 1956, reste aujourd'hui encore un modèle du genre. Le film offre aux spectateurs une alternance de moments d'attente parfaitement orchestrés par la voix des commandants, qui se veut didactique. Puis il est plongé dans l'action, la découverte d'une île, la surprise de découvrir une baleine, l'apparition d'un requin ou la plongée dans les profondeurs. Mais là où Cousteau innove, c'est qu'il donne une dimension cérébrale à l'ensemble. Les images sont commentées, elles doivent être l'élément déclencheur d'une prise de conscience sur le thème « Que notre planète est belle, oui, mais qu'elle est fragile aussi ». Consécration pour le commandant Cousteau et son équipe, Le Monde du Silence reçoit un an plus tard l'Oscar du meilleur film documentaire à Hollywood, du jamais vu pour le cinéma français. En 1957, le commandant Cousteau est élu à la direction du musée océanographique de Monaco. Poste prestigieux et surtout déterminant, car il lui permet de continuer ses recherches grâce au puissant soutien financier du Rocher. Surfant sur la vague de son succès, il entame avec l'équipage de la Calypso une grande campagne d'exploration des mers du monde. Il en profite au passage pour inviter à bord d'éminents spécialistes qui profitent de ce cadre pour mener d'ambitieux projets de recherche. La Calypso apparaît aux yeux du monde comme une sorte de laboratoire flottant, une plateforme scientifique d'un genre nouveau où savants et techniciens repoussent toujours un peu plus loin les limites de la connaissance. Travailleur infatigable, Cousteau profite aussi de cette période pour perfectionner les équipements de plongée et améliorer les engins de prise de vue. Parmi les nombreuses images de cette époque prises à bord, il y a celle que nous a montrée Albert Falco. Celle où l'on voit le commandant posé fièrement sur le pont arrière de la Calypso, aux côtés d'un engin fantastique pour l'époque, une soucoupe de plongée, sous-marin de deux places, pouvant atteindre 350 mètres de profondeur. Persuadé que l'avenir de l'homme se situe au fond des mers, Cousteau monte avec son équipe une série de projets appelés Précontinent, un florilège d'expériences ambitieuses consistant à créer un habitat pour l'homme sous la mer. Lors de la dernière expérience tirée de cette idée, au large de Villefranche-sur-Mer en 1965, 6 hommes vivront durant un mois à 100 mètres de profondeur. De cette période, le commandant en tirera un second long métrage, intitulé celui-là Le monde sans soleil. Dans un but hautement scientifique, deux plongeurs, Claude Vesely et Robert Falco, ont entrepris de vivre sous l'eau à l'intérieur d'un cylindre de 2,50 m de diamètre. C'est dans cet habitacle prototype des futures villas sous-marines qu'ils ont décidé de passer 8 jours par 10 mètres de fond. L'immersion de Diogène, la maison sous la mer, a eu lieu au large de Marseille en présence du commandant Cousteau, promoteur de l'expérience. Travailler et vivre sous l'eau sans regagner la surface, est-ce possible? En tout cas, à l'heure où l'on fait vivre l'homme dans l'espace, il était temps de songer à le faire vivre aussi au fond des mers. Ensuite, Cousteau abandonne le cinéma et se tourne délibérément, exclusivement vers la télé pour mieux toucher le grand public et le convaincre d'agir. Car déjà, à la fin des années 60, conscient des enjeux environnementaux, la Calypso est le premier témoin d'un mal nouveau, celui de la destruction progressive du milieu aquatique, du bouleversement de l'équilibre de la biosphère et du réchauffement climatique. Des maux d'une ampleur inestimable, dont la cause est bel et bien le développement industriel sans limite. Pendant 2 décennies, la Calypso parcourt ainsi le monde à la rencontre des habitants, de la faune et de la flore qui composent notre planète. En Antarctique, en Méditerranée, sur le Nil, sur le Saint-Laurent au Québec, en Amazonie, dans le Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et la Grande Barrière de Corail, jusqu'à la Polynésie, partout où la Calypso passe, ses opérateurs filment à terre, en mer, sous l'eau. Et comme témoignage de cette incroyable aventure, le grand public découvre la série documentaire « L'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau », dans laquelle ce dernier commente d'un ton grave certaines conséquences du déséquilibre provoqué par l'activité humaine et où il avertit des dangers à venir si rien n'est fait. Nous sommes alors au milieu des années 80 et la préoccupation environnementale s'impose à travers le monde. L'occasion pour le commandant Cousteau de démontrer sa conscience écologique et de se faire porte-parole de cette préoccupation sur les plateaux télé. Je pense à mes enfants, aux petits-enfants, etc., donc, qui vont se trouver en... Quand ils vont voir ces trucs, ils vont chercher à retrouver la même chose. Ils pourront chercher autant qu'ils voudront, ils trouveront rien. Il faut arrêter le massacre, il faut se précipiter au secours de la beauté, de la variété, de la nature. Et pas le faire simplement sur le plan politique, il faut le faire sur tous les plans. Parmi les outils de l'équipe Cousteau, il y a la pétition « Signons la vie, protégeons les générations futures ». Un engagement citoyen qui vise à faire prendre conscience aux dirigeants des pays développés de l'urgence de protéger l'environnement. Ce slogan des générations futures sera d'ailleurs porté par la foule lors des manifestations en marge du premier grand sommet de la Terre à Rio en 1992. Rio de Janeiro, premier grand rassemblement mondial sur le réchauffement climatique, avec cette question « Comment le combattre ?». Cousteau est reçu comme un chef d'État, et son discours à la tribune devant plus d'une centaine de dirigeants politiques venus du monde entier est longuement ovationné. Pour beaucoup de journalistes, ce jour-là, Cousteau franchit le pas décisif qui fait de lui un acteur majeur de l'activisme écologique. De retour en France, il continue d'arpenter les plateaux de télé et livre un discours qui sonne bien avant l'heure comme une mise en garde sur les effets désastreux du réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Mais le rêve du commandant Cousteau de vivre un changement de paradigme et la prise en compte de l'écologie de son vivant n'aura pas lieu. France Inter. Le bonheur pour l'abeille et le dauphin, c'est d'exister. Pour l'homme, c'est le savoir et de s'en émerveiller. Cette belle phrase est signée Jacques-Yves Cousteau, qui vient de disparaître à 87 ans, après s'être émerveillé pendant toute sa vie et être devenu un formidable ambassadeur de la mer et de la nature. L'homme au petit bonnet rouge, celui qui réveillait les mérous au fond de l'eau et qui a fait découvrir la vie sous-marine à des millions de spectateurs, s'est éteint tôt ce matin à son domicile parisien. Un accident d'origine cardiaque l'a emporté alors qu'il souffrait d'affections respiratoires. Le mercredi 25 juin 1997, 5 ans seulement après la grande conférence sur le climat à Rio, le commandant Cousteau disparaît. L'émotion en France est immense. Quelques jours plus tard, une grande messe se déroule dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence du président de la République, Jacques Chirac, de plusieurs ministres, mais également de personnalités venues du monde entier pour rendre un dernier hommage à cet infatigable voyageur, symbole de la protection de la nature, de la vie et de la recherche, qui laisse comme héritage des centaines d'heures de films, des milliers de photos et de croquis, et puis une flopée d'inventions, mais aussi des polémiques et controverses autour de son comportement pendant l'occupation, passion et autour de son engagement écologique. Certains l'ont sévèrement remis en cause, dénonçant le traitement des animaux marins par l'équipe Cousteau lors de ses expéditions. Le commandant Cousteau a longtemps été la personnalité préférée des Français, une icône qui, comme toutes les icônes, possède aussi sa part d'ombre, un monde sans soleil en quelque sorte. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'aventure du commandant Cousteau avec notre invité Yves Pacalet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain et journaliste, mais témoin direct, hein, je le disais, de cette aventure, puisque vous y avez participé pendant presque 20 ans. Ça vous a permis d'écrire une vingtaine d'ouvrages consacrés à la nature et vous êtes également l'auteur d'une bio de Cousteau intitulée Jacques-Yves Cousteau dans l'océan de la vie, paru en 1997. Alors déjà, comment vous êtes-vous trouvé embarqué dans cette aventure Cousteau? Moi, je suis un montagnard, je suis né à la montagne, j'ai passé une enfance enchantée, pauvre, mais enchantée dans la montagne, aux alpages. Et j'ai toujours rêvé d'aller au bout des torrents que je voyais couler devant moi. J'ai découvert la mer à 10 ans seulement, dans une colonie de vacances. Et puis après mes études de philosophie, de sciences aussi, normales, sup, j'ai pas voulu aller dans l'administration, présenter l'ENA, etc. J'avais envie de partir. Et par des chemins, comme toujours, un peu bizarres de l'édition, j'ai rencontré Cousteau et je lui ai dit que j'avais très envie de partir. Ça tombait bien, il avait envie à la fois d'avoir à sa botte quelqu'un qui écrive, un moine, comme il disait. Donc, son moine d'abord, j'ai écrit. Qu'il sache un peu de langue française et un peu de science en même temps. Il n'y en avait pas beaucoup et j'étais ce personnage-là. Vous étiez ensuite l'intello de la bande? Oui, voilà. On s'est très vite entendu. Je me souviens d'ailleurs très très bien de la première entrevue que j'ai eue avec lui dans son appartement de Paris. À la fin de l'entrevue, on est tombé d'accord pour que je sois l'écrivain de l'aventure Cousteau. Il m'a dit, Yves, j'ai vu des spectacles du monde que personne ne verra jamais plus. J'ai vu des baies enchantées, j'ai vu des récifs de coraux magnifiques, j'ai vu des poissons, des baleines. Et les enfants, les petits-enfants et les descendants suivants ne les verront plus. Et il avait ajouté, j'espère que quand vous aurez mon âge, vous n'aurez pas à dire la même chose aux générations suivantes. Il avait 35 ans de plus que moi, et évidemment, tout le monde a compris que quand j'ai eu l'âge qu'il avait au moment où on s'est rencontrés, malheureusement, j'ai dû dire aussi, j'ai vu des spectacles du monde, j'ai vu des merveilles de la terre, j'ai vu des splendeurs de la mer, que mes enfants ne verront pas, que mes petits-enfants ne verront pas, et ainsi de suite. Et donc, ce côté écolo, hein, défenseur de la nature, défenseur des animaux, des baleines d'abord, des dauphins, puis ensuite même des requins, puisque les requins sont tout aussi menacés, apparaissait déjà dès ce moment-là. C'était en 1972. On était déjà écolo, mais enfin c'était encore un moment où l'aventure Cousteau était une aventure de découverte. On allait dans les endroits où personne n'était jamais allé. Et vous disiez, Cousteau voulait à sa botte un moine copiste. Il y a à sa botte, ça veut dire quoi? C'est un chef. Parlez-moi de lui, de son charisme. Comment il imposait son autorité? Est-ce qu'elle était naturelle? Comment ça fonctionnait avec vous? Avec vous tous, hein. J'ai vu en lui quelqu'un qui fonctionnait à la séduction, toujours à la séduction. C'était pas tellement un commandant au sens aboyeur. Oui. Au contraire, il aboyait pas. Il était capable de séduire tout le monde. Il a séduit tout le monde. On a été des dizaines à travailler avec lui. Et il a séduit des dizaines et des dizaines de personnes dans tous les secteurs de l'économie, aussi bien des gens dont il avait besoin pour payer des moteurs de la Calypso ou des personnes qui devaient financer telle expédition, ou des gens de télévision, ou des responsables de grandes chaînes pour acheter ses films, et ainsi de suite. Il était un séducteur. Il embarquait son interlocuteur avec des projets qui correspondait à ce que l'interlocuteur attendait dans ses rêves. Oui. Et ça marchait. Et alors, évidemment, on peut dire c'est assez facile de séduire si on raconte des bobards. Donc, il faut qu'à un moment donné... Mais c'est pas un gourou non plus. Il y a une correspondance, et que celui qui a mis, s'est investi dans les visions d'un type comme Cousteau, et bien soit payé de retour, et voit en effet une partie de son rêve au moins réalisée. Et il l'a fait avec tout le monde. Je connais personne dans son équipe. On se rencontre toutes les années, on fait les anciens combattants de l'équipe Cousteau. Il y en a pas un, même ceux avec qui ça s'est plutôt mal terminé, parce qu'il y a toujours des moments où les gens s'entendent pas trop. Même ceux-là ne regrettent pas un seul instant d'avoir mis leurs pieds sur à bord d'un Calypso. Alors quelle somme de souvenirs vous devez avoir. Quel est le souvenir le plus fort? Je sais, c'est toujours difficile de faire un choix comme ça. Il y a des moments extraordinaires de navigation, par exemple à bord d'un Calypso. J'ai des souvenirs dans les 40e rugissant au grand sud de la Nouvelle-Zélande, par exemple, de tempêtes faramineuses avec des vagues de dizaines de mètres de hauteur. Quelle horreur. dont on se disait, si celle-là déferle sur le bateau, on est tous au fond de la mer. Et en même temps, c'était les plus beaux spectacles que j'ai vus de ma vie, parce que il y avait une sorte de phosphorescence dans l'écume qu'on voyait de nuit encore plus extraordinaire, encore plus hallucinante, sous la lune qu'on voyait de temps en temps avec les nuages qui étaient chassés par la tempête. Et ces moments qu'on a pu vivre, où on se dit je suis encore vivant, je sais pas si dans 10 minutes ce sera toujours le cas. Bon, ça c'est les moments d'émotion quand la Calypso était en Antarctique, dans la baie mal nommée d'Esperanza, et que il y a eu là aussi un blizzard épouvantable qui s'est levé pendant plus de 3 jours, et qu'on a cru malin à bord de la Calypso d'aller se réfugier dans cette baie, sauf que on s'est aperçu au bout d'un moment que les icebergs rentraient dans la baie et donc menaçaient de casser, de briser en 1000 morceaux entre eux la Calypso. Il a fallu tourner pendant 3 jours et 3 nuits en évitant les icebergs dans cette baie, en se demandant à chaque fois si c'était pas le dernier quart d'heure qui avait commencé. Ça, c'est des moments d'émotion, de danger en même temps. Hein. Il y avait parfois du danger. Puis à l'époque, il n'y avait pas non plus tous les moyens de communication. On ne pouvait pas appeler depuis l'Antarctique en demandant « venez au secours, on est en train de couler, venez vite nous chercher ». À l'époque, il n'y avait rien pour aller en Antarctique, il fallait plusieurs mois de bateau. Voilà, c'est comme ça. Et justement, la vie sur la Calypso, c'était comment ce bateau, la Calypso, comment il était organisé? Vous étiez combien dessus en moyenne? 35, grosso modo. Enfin, il y avait, à bord de la Calypso, il y avait les vrais marins. Il fallait ceux qui faisaient toute la campagne. En général, les campagnes duraient 4 mois, à peu près. Et puis, il y avait les touristes. Alors, c'est la première femme de Cousteau, la bergère, qui est un personnage extraordinaire, qui raconte ça, qui le dit, qui l'a toujours dit, tant qu'elle était restée à bord. Elle est restée à bord du début à la fin. Elle était, elle, la maîtresse à bord. Alors, Jacques-Yves Cousteau décidait des travaux scientifiques en cours, ce qu'on allait faire, étudier des baleines et des requins et dauphins et coraux, etc. Des films qu'on allait tourner, des livres qu'on allait écrire. Alors ça, c'était sa partie. Mmh. Mais elle, à bord, Madame Cousteau, la bergère, Simone, régissait tout. C'est-à-dire que si on... elle régissait l'intendance. Si on était d'accord et bien avec elle, par exemple, on avait une bonne couchette aérée, relativement confortable. Et si on n'était pas d'accord avec elle, on se retrouvait avec les banates juste à côté des machines, dans l'odeur du fuel, etc. Voilà, c'était elle qui gouvernait. Elle était à la fois la maîtresse du bord et la consolatrice aussi, parce que les gens partaient quand même assez longtemps. Mais bon, nous, les touristes, comme on nous appelait, on venait, grosso modo, un mois à bord, quand le film était en train de se faire, quand la partie importante de la recherche scientifique était en train de se faire, quand les baleines étaient là. Mais elle, la bergère, est toujours restée à bord, de A à Z, et jusqu'à son dernier voyage, elle a tenu à le faire, elle était très très malade. Et elle était d'ailleurs à tel point extraordinaire que elle s'en rendait pas compte. Et elle disait une chose qui m'est toujours restée. Je suis la seule femme de marin qui attend son mari à bord. C'était le cas. Oui. Et bon, voilà, c'était cette femme-là qui commandait la vie de tous les jours à bord. Alors, on l'a dit pendant le récit, et on le sait, il y a dans toute cette histoire de Cousteau et de la Calypso, la force de l'image, hein, parce que c'est vraiment l'image qui est porteuse du témoignage. Alors, tous ceux qui l'ont côtoyé affirment que Cousteau avait un sens inné pour l'image, précisément, un talent indéniable pour la mise en scène cinéma, idée partagée aussi par Gilles Jacob, tiens, l'ancien président du Festival de Cannes, qui en a vu des films, hein, il sait de quoi il parle, pour qui le monde du silence est la preuve éclatante des qualités de réalisateur du commandant Cousteau. On écoute Gilles Jacob et on se retrouve après. Jacques-Yves Cousteau est même le seul documentariste à avoir gagné la Palme d'Or. Il a su perfectionner le matériel de prise de vue sous-marine, il a su s'entourer de collaborateurs remarquables. Les mêmes que s'il avait fait un film de fiction. Autrement dit, Louis Malle, qui l'a découvert en quelque sorte, qui était à ce moment-là assistant. Edmond Séchant, qui était un très grand chef opérateur, qui a du reste eu lui-même la Palme d'Or pour un court-métrage. Enfin, tous étaient des collaborateurs éminents. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le monde du silence? C'est l'accès au grand fond marin, un peu comme si on disait avant la lettre, le grand bleu dans la mer rouge. C'est un film qui a peut-être vieilli aujourd'hui, parce que le ton et le style du documentaire sont un peu démodés, mais il restera à la fois par cette description des mœurs sous-marines et aussi parce qu'il a traité le documentaire comme un roman policier. Alors, au bout du compte, Jacques-Yves Cousteau, il est plus cinéaste que marin ou le contraire, pour vous ? Lui, c'est toujours déclaré... premièrement, réalisateur, cinéaste. Avant d'être marin. Bon, marin, il a été. Il était capitaine de corvette. C'est un grade de marin qui permet de commander un bateau. Mais enfin, c'est pas extraordinaire. Plongeur, il l'a été aussi. Il a été même un pionnier avec quand il formait le groupe des Mousquemeurs avec Taillez et Dumas. Et puis ensuite, il a fait sa plongée la plus profonde à l'âge de plus de 70 ans. Sur le Britannique, une épave sister ship, du bateau cousin du Titanic qui a coulé en Méditerranée, plongé à 120 mètres à cet âge-là. Mais quand même, chaque fois qu'il parlait de lui, il disait « je suis cinéaste ». Il était extrêmement soucieux de mettre sa patte sur les images. Il avait évidemment une équipe de cinéma qui fonctionnait bien, avec des gens qui sont tous devenus des réalisateurs de films à un moment ou à un autre, quelle que soit la façon dont ils ont commencé. Mais c'est lui qui voulait vraiment mettre sa patte. Il mettait, moi je contribuais aux commentaires par exemple, mais il remettait un petit peu son stylo vert ou son stylo rouge, ce qu'il avait envie de dire sur le commentaire. Et puis d'un même façon, il assurait le montage, la musique, il était vraiment très très soucieux d'être un réalisateur. Alors évidemment, le monde du silence, il l'a fait avec Louis Malle, qui ensuite lui a été un grand cinéaste, l'un des plus grands. Qui à l'époque sortait de l'IDEC, enfin de la formation. Oui, il était absolument pas connu, il était choisi comme ça. Enfin, il a fait un peu comme j'ai fait, comme on a tous fait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a sauté sur l'occasion, on pouvait partir avec Cousteau. Et Cousteau, pardon de vous couper, mais Cousteau, quand sa méthode de travail, il faisait un storyboard, c'était pas improvisé. Il se disait, là, je vais d'abord aller filmer ça, là, on va... Non, ou c'était... Il avait fait une liste de, je ne sais plus combien, une cinquantaine ou une soixantaine de films à faire. À un moment donné, je me rappelle d'avoir vu cette liste. La plupart ont été réalisés. Il faut dire que les films de télévision, il y en a eu à peu près 120 qui étaient à l'époque diffusés dans 120 pays du monde. Ça n'existe plus pour aucun auteur de films de télévision maintenant. Cette chose-là, c'est plus possible. Mais il a quand même voulu à chaque fois avoir son idée de départ. On va étudier les baleines à bosse. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les baleines à bosse? Alors, on était tous là, grattés dans la documentation scientifique pour voir où on allait les trouver, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout évident. Il n'en restait plus beaucoup non plus. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir mettre en évidence, et ainsi de suite. Mais après, on partait, c'était vraiment l'aventure. Il y avait quelques idées, on savait qu'on devait rentrer quelques séquences principales, et puis le reste, c'était aller à Jacques Taest. Et de toute façon, tous ceux qui tournent encore maintenant des films naturalistes sont dans le même cas. Ou alors, l'autre option, c'est d'aller tourner en zoo, mais pour les baleines, c'est un peu plus difficile. Bon, mais sinon, on est obligé de se dire, voilà, on va essayer d'avoir tel comportement, parce qu'on pense que c'est comme ça que ces animaux agissent. Et puis après, ils viennent ou viennent pas. Un jour ils sont là, un jour ils sont pas là. La plupart du temps, ils sont pas là. Surtout les animaux marins. Au début, c'est terrifiant. Maintenant, il y a beaucoup plus de moyens de les localiser. On a une sorte d'appareils plus modernes, électroniques et autres, qui permettent de voir les animaux plus facilement. À l'époque, mais là, faut une patience infinie. C'était la patience. Alors, on avait déjà la chance d'avoir un hélicoptère à bord. Très vite, on a eu un hélicoptère à bord, et ça, c'est absolument merveilleux. Quand on allait, on rappelle, filmer les cachalots de Kaikoura, si on avait dû courir après avec la Calypso, on les rattrapait jamais. Oui. Alors, avec l'hélicoptère, on voit où ils partent et on coupe la trajectoire, on se retrouve devant ce spectacle prodigieux en zodiaque, ou ensuite, dans l'eau, d'être à 1,50 m d'un monstre de 30 ou 40 tonnes et qui tourne la tête avec une voix d'un seul œil, puis l'autre est de l'autre côté, évidemment, et pas avoir les deux yeux à la fois, mais dans cet œil qui est gros comme un pamplemousse, on sent la curiosité, une curiosité égale à celle que soi-même ouais, on découvre. Alors avec les requins qui sont des poissons, c'est moins évident. Ouais. Avec les dauphins, cachalots et mammifères marins en général, il y a un échange qui est prodigieux, qui est magnifique. Puis en plus, ils sont d'une douceur, ils évitent de nous faire mal, ils remuent leur nageoire juste au dernier moment parce qu'ils ont vu qu'on nageait tellement mal qu'il faut faire attention à ces pauvres choses qui viennent. Ça fait partie des expériences. Avec les dauphins, j'imagine, plus particulièrement les dauphins. C'est comme des animaux absolument fascinants. Oui, avec les baleines aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Mais alors les dauphins, c'est pareil, on a contribué à les rendre tellement bêtes populaires. Bêtes de cirque un peu aussi. Hein. Et ils sont évidemment très intelligents, très malins, ils comprennent ce qu'on fait, ils viennent nous voir, ils savent qu'on s'intéresse à eux, on sait qu'ils s'intéressent à nous, les échanges sont là. Mais il faut pas croire non plus que c'est des espèces de bisounours, si j'ose dire, les dauphins, de temps à autre. Ils ont des comportements d'animaux ordinaires, ce sont des grands prédateurs, et entre eux, et puis même vis-à-vis de certains humains, quand on les embête beaucoup, ils peuvent le montrer de façon assez rude. Ouais, enfin, ils ont le sens du spectacle. C'est ça qui est assez fascinant. Enfin, l'impression que ça nous donne, hein. Oui, mais en plus, ils aiment jouer. Ouais, et puis, on se comprend, sur les mammifères, c'est comme quand on joue avec un chien, sauf qu'ils sont encore plus intelligents que les chiens, quoi, bien plus. Bon, alors, il est un peu l'égal d'un Frédéric Rossif, finalement, dans ces grands cinéastes naturalistes qui aiment tant la nature, qu'ils prennent le temps de l'examiner, la patience avant de prendre le bon plan de tel animal. Bon, et puis, il y a aussi cette conscience écologique ou écologiste, enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est le terrain, finalement, qui a donné cette conscience écologique au commandant Cousteau, parce qu'il a découvert la fragilité de la nature, ou est-ce qu'il avait ça en lui avant, déjà? On attrape tous très vite. J'ai aussi fait des films avec Nicolas Hulot, on est parti en expédition. Il raconte un peu la même chose. On attrape tous le virus écologique quand on voyage. Quand on observe ce que je disais au début, des spectacles extraordinaires de la nature, et puis que quelques années plus tard, on y retourne. Il n'y a plus, ou moins. Il n'y a plus que du béton, il y a une marée noire, il n'y a plus de dauphins, il n'y a plus de poissons, les pêcheurs n'ont plus rien à pêcher, la mer est déserte. Les fleuves sont pollués, on tombe sur des saletés épouvantables. On se dit, mais c'est pas possible d'avoir une vue si courte pour cette espèce qui se prétend intelligente, se prétend la plus intelligente. Et très vite, on se dit quand même, il y a à la fois des mesures immédiates à prendre pour protéger cette biodiversité dont Cousteau parlait déjà, parce que à l'époque, on s'est bagarré, on a fait des bouquins avec lui sur les baleines, parce que à l'époque, on chassait encore la baleine. Il y a encore des pays qui le font maintenant. Il y a encore Japon et quelques autres qui le font, mais à l'époque, on tuait des milliers de baleines chaque année, et donc on s'est battu pour arrêter la chasse à la baleine. Est-ce que vous avez eu des actions un peu comme Greenpeace qui va tourner autour des baleiniers japonais, presque dans la force, quoi. Était un peu plus dans la pédagogie de ce point de vue-là. On s'est mis de temps à autre avec des zodiacs devant les harpons, mais après c'est devenu en quelque sorte la signature de Greenpeace qui a fait ça systématiquement. Et donc, on a plus, nous, continué à développer le côté apprendre à tout le monde que d'abord, des baleines, il n'y en a plus beaucoup. Ensuite, que c'est des animaux absolument prodigieux, les plus gros animaux que la Terre ait jamais apportés. Et puis, que ces animaux-là sont utiles pour nos rêves. Ils sont utiles aussi pour l'équilibre de l'océan. Alors, le commandant Cousteau, je disais, c'est une icône, il s'est fait quand même épingler, notamment, on va pas tout dire, mais notamment, on n'a pas le temps, par un éminent intellectuel français, Jean Mordillat, un homme très intelligent, un bon documentariste, un bon écrivain, et qui, lui, a été un de ceux qui ont dit, mais c'était quoi cette écologie, il faut voir comment ils traitaient les dauphins sur la Calypso, enfin, c'était n'importe quoi. Et on va écouter le commandant Cousteau répondre à cette attaque, c'est intéressant, c'est en 1971. J'ai regardé ce film récemment et ça m'a fait toucher du doigt l'évolution des esprits en 15 ans. Oui. Il est certain que ce film date à cause de cette scène des requins et même d'ailleurs d'une autre, la scène de l'explosion. Il y a deux ou trois scènes d'une cruauté certaine qui à l'époque n'étaient pas considérées comme cruelles. Et moi ça me fait un plaisir considérable de voir l'évolution des esprits, de voir qu'aujourd'hui le public ne pense pas de la même façon et qu'il y a un certain nombre de choses qui nous paraissaient naturelles à nous autres, race supérieure humaine qui aviez tous les droits sur la nature, et aujourd'hui on se dit ben non, on n'a pas tous les droits sur la nature et on doit se conduire d'une façon un peu plus décente. Alors finalement, si vous voulez, cette évolution, le fait que moi-même ça me choque et que ça choque les téléspectateurs, rien ne peut me faire plus plaisir parce que ça montre les progrès qui ont été faits par le public en 15 ans. À l'époque où ce film est passé, jamais personne n'a protesté contre ça. Maintenant, tout le monde proteste. Bravo. Alors, c'est un bon système de défense parce qu'il y a un aveu dedans. Ah oui, mais alors là, ce Mordillat dit n'importe quoi, sauf le respect que j'ai pour tout le monde et pour lui en particulier. Quand le film Le Monde du Silence a été tourné en 1954-55, en mer Rouge et jusqu'aux Seychelles, on faisait de la science océanographique comme le prince Albert Ier de Monaco en faisait. C'est-à-dire que quand on voulait savoir ce que mangeaient les dauphins, on harponnait un dauphin, on lui ouvrait le ventre, on regardait ce qu'il y avait dans le ventre. On pêchait la dynamite pour savoir ce qu'il y avait comme poisson, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de savoir, et ainsi de suite. Et donc, on tuait les requins parce qu'ils étaient considérés comme dangereux et toutes choses que, justement, les films de Cousteau ont fait changer dans la mentalité universelle. Et Cousteau, je le sais, j'ai parlé de ça plusieurs fois avec lui, a eu des propositions de nombreux responsables cinématographiques américains qui lui ont dit on va changer ces 3-4 séquences qui font problème. Elles faisaient déjà problème à l'époque, Mordillat n'a rien trouvé là-dedans, et on va mettre des belles séquences. Ouais. Et Cousteau a dit, il n'en est pas question, c'est un document. On l'a tourné à une époque où on pensait que la science devait se faire comme ça, et je l'ai approuvé, et j'ai même dit, si on voulait changer ces séquences, on ferait la même chose que dans les photos de l'époque de Staline, on faisait en gommant les gens qui gênaient. Il ne faut pas gêner l'histoire, il faut laisser l'histoire. Et je reconnais, je suis très reconnaissant à Cousteau d'avoir toujours refusé de mettre des belles séquences à la place de séquences historiques. Merci à lui de l'avoir fait. Bon, Yves Bacalet, est-ce que vous pouvez répondre à une toute dernière question en 30 secondes, hein, c'est pas beaucoup. Le résultat de la COP21, ça vous a mis du baume au cœur, vous êtes dit bon, c'est déjà, c'est quelque chose, mais on n'y est pas encore. On était avec Cousteau en 92 à Rio. Ouais. Il avait été présenté comme un capitaine planète, et on disait dans ça y est, maintenant la conscience commence à arriver, et ça a pris jamais que 40 ans. Bon, c'est comme ça, ou entre Stockholm et maintenant, en passant par Rio. Mais c'est bien que ça soit écrit dans les textes, il faut un texte. Très bien, merci d'avoir respecté ces 30 secondes, en tout cas merci pour vos éclairages et vos témoignages, Yves Pacalet, au revoir. Ouais.